Le journal d'internet sud-coréen La Voix du Peuple fait savoir qu'un rassemblement a eu lieu le premier courant sur la place de Gwanghwamun à Séoul à l'occasion du 900e jour depuis la catastrophe du paquebot Sewol. Y ont pris part plus de 5000 personnes de tous les paliers, comme les membres des familles des victimes de la submersion de Séoul, notamment les membres du Conseil des familles 16 avril et de la solidarité 16 avril. D'autre part, le journal a donné le 30 septembre un éditorial concernant la dissolution forcée du comité d'enquête spéciale sur la catastrophe de Séoul.